réfléchis bien. Archibo. Archiradio. Archidou. Archicool. La radio du festival Archipel. Archichouette. En direct. De 10h à midi. Archinul. Sur Archipel. Archifort. Archigrand.org. Bonjour Archiradio. Bonjour. Bonjour. Et bah, c'est notre troisième jour d'antenne de 10h à midi et on est toujours très heureuse d'être avec vous. Et donc aujourd'hui, on va accueillir dans quelques minutes Asia Armetjanova. Armetjanova, merci. Désolée, j'avais peur de d'écorcher son nom. Mais il ne faut pas. Voilà. Puis Aurélien Chapuis. Mais en attendant, je vous propose d'écouter la capsule, c'était hier, à Archipel. Mais peut-être, Sonia, tu peux nous dire quelques mots sur cette capsule et sur la journée d'hier. Bonjour. Avec Camille, on s'est dit, vu que c'était une journée un petit peu intense, avec beaucoup de concerts, c'était cette journée duo. Donc on est parti du principe, on s'est dit qu'on allait faire un rendu d'un mix de tous ces concerts. Donc c'est une petite capsule de 2 minutes, un peu plus, qui dépasse. Et voilà, vous allez entendre le rendu. Bah super, bonne écoute alors. Hier, à Archipel. Vécu cette journée d'hier, j'aurais envie de dire que c'est exactement de cette manière-là que ça s'est passé. Magnifique. On va passer à notre rubrique chronique suivante qui est l'écoute du son mystère. qui est fourni aujourd'hui par Cédric, qu'on va recevoir demain. Je me réjouis de pouvoir en parler avec vous à 11h10. Moi, je me suis fait une petite idée, mais je ne sais pas du tout si elle est correcte. En tout cas, si vous aussi, vous avez une idée, vous pouvez nous appeler au 078 244 57 54. Donc à 11h10, le son est en ligne sur le site archipel.org. Donc vous pouvez le réécouter, réfléchir. Retourner la question dans tous les sens et si vous avez la bonne réponse, nous appeler et gagner une place de concert pour ce soir. Donc ce soir, pour aller voir le concert du Basel Sinfonietta, un concert pour orchestre symphonique et contrebasse. Il va y avoir 80 musiciens et musiciennes sur scène, donc ça va être un moment assez impressionnant. Peut-être même qu'il y aura plus de musiciens et de musiciennes que de spectatrices. Donc, ça vaut le coup. Voilà, à tout de suite.